Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Simon Fitzbay critiquera les nouveaux albums d'Eric Podcast et My Bloody Valentine. On recevra Karina Tardif, organisatrice de QTR en spectacle. Et on parlera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan. L'assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 11 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Comment ça va, Mathieu Plante? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va. Oui, je me demande tout le temps si j'ai déjà demandé si ça va avant. Est-ce que tu fais ça dans la vie, toi? Ça va, l'autre personne te répond, puis tu fais ça va toi aussi? Oui, ça va, toi. Ouais. C'est fatigant, ça. Puis en plus, on a vu dans ta chronique la semaine passée que c'est le plus gros mensonge que les gens se disent. Oh, c'est fou comment j'apprends, hein? T'as vu ça? T'écoutes, tu t'abreuves, mais. Les paroles. Fin de semaine, je réécoute. Ben oui. En balade de diffusion. C'est crédible. Assemblage requis.com. Ben oui. Et merci, Blablog. Donc, aujourd'hui, l'émission, Simon Fitzbay nous présente une nouvelle chronique. En fait, vous savez, il est habitué de chialer avec sa chronique Simon Humeur vous déplaît. Il lit chroniqué. Chroniqué, excuse-moi. T'as raison. Whoops. Wow. Chroniqué. Donc, il va varier un petit peu des fois. Il va nous faire une chronique musicale. Donc, aujourd'hui, il nous présente les nouveaux albums de des formations avec Podcast et My Bloody Valentine. Ça va être intéressant. Très bon. À 7h30, ça. Ah, oh ben, je vais être là, moi. Ben, voilà. Ensuite, à 8h, on aura Karina Tardif, organisatrice du QTR en spectacle, qui fait partie du réseau Université en spectacle. Et on va recevoir aujourd'hui donc le comité d'organisateur de cet événement-là. On va lui poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Des talents? On sait tous ce que c'est déjà. J'espère que les gens sont au courant de ce que c'est. Mais on va parler vraiment de pourquoi ça existe et qui va participer à ça cette année. Donc, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, Alexandra Carignan et le temps d'une culture. C'est sa chronique art et spectacle. Toujours des sujets intéressants. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis on va commencer l'émission dans quelques minutes avec C'est un fait. Ah oui, c'est traditionnel. Traditionnel. Le lundi, c'est comme ça. On niaise pas, là? Non. On commence avec des connaissances dès le départ. Eh oui, puis j'en ai une bonne pour toi. Oh non! Ah oui, tu vas pour voir vrai? Ça. Je vais prendre des chances moi aussi. Oui! Oh. C'est le fun. Donc voilà, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui à Assemblage requis. On débute par contre en musique, comme on le fait toujours, avec Tremblay. Et là, je m'aventure sur une pièce qu'on a moins entendue ici à l'émission. On écoute Comme en Californie, parce que des fois, tu sais, après la fin de semaine froide qu'on a eue là, on a envie de retourner en vacances. Tellement. Oh, mon Dieu. Fais-moi rêver, Mathieu. Je me déprime moi-même faisant jouer ça. Mais bon, allez, bonne émission. En face de moi, d'asphalte pas plus loin que l'horizon. Des motels chics, des coups de soleil, puis pas de questions. À l'ouest la mer, à l'est la terre, nord, sud, pays, désert. Le rêve américain se vit comme si c'était le mien. Comme en Californie, la radio crée chanteuse état San Diego à Yuma. Le jour réchauffe les nuits de Vegas à L.A. Moi je prends des malbons, je prends des photos sur le bord du highway. Le rêve américain s'achète pour presque rien. Chaque ciel brille ici. Chaque ciel brille ici. La West Vibe, les belles vagues, les têtes. dans cet homme. Les cactus sautent 15 pieds, y'a des forêts de palmiers. Me fait du bien. C'était Tremblé, la pièce comme en Californie. Maudit chanceux, puis sa Californie. Ben, j'y croyais, moi. Ouais, on avait l'air là. Hein? Ouais, ben, c'est-tu pour aujourd'hui le camion de sable pour le studio? Ah, pour Beach Party. J'ai déjà mes sandales, en tout cas. Ouais, moi aussi. J'ai mis mon speedo. Donc, on jasait en rond comme ça de plein de choses qui sont passées. Tu me racontais des affaires que t'as vécues. Ouais, tout un matin, hein? Ouais, qu'est-ce que c'est ça, là? Ah, ben, en fait, ce que je disais, c'est que ce matin, en fin de semaine, j'ai fait du ménage. Ouais. Et puis là, tu sais, en plus, j'ai toujours gardé ma rallonge sur ma table de cuisine. Ah, c'est fou, là, comment on devient intime, là. Je te raconte ma vie. Je te connais beaucoup mieux depuis... Ouais. Depuis que tu commentes ma vie. Et puis, donc, c'est ça. Donc, il n'y avait rien sur la table. Et puis, je sirotais mon café. Puis, je croyais que ça manquait de journal. Oh. Mais c'est ça qui arrive. Puis là, je trouvais que j'avais rien à faire. Fait que j'ai sorti mon téléphone intelligent. Et puis, je suis allé sur mon application La Presse. Okay. Et puis, j'ai lu La Presse. Ouais. Et puis, tu sais-tu, c'est quoi la première information que j'ai eue ce matin? C'est quelque chose sur la voix, j'imagine. Ah non. Non, ça serait le Journal de Montréal, t'as raison. Oui, exactement. Ouais. Et puis, et c'était tout frais, puisque l'article a été écrit à 6h27. Et ce matin, ben, en tout cas, la dernière mise à jour a été faite à 27. Fait que peut-être, en tout cas, une première version. Il y a peut-être une première version. Donc, il était 1h30 quand j'étais assis et je sirotais mon café sur ma table. Plus de détails encore, s'il te plaît. Ma table est brune. Qui est brune? Et elle avait... je suis allé au Mexique cet hiver, et il y avait une nappe du Mexique dessus. Wow. Je venais de donner à manger au chat. OK. C'est quelle race, ton chat? C'est un pur race. Cool. Il est roux. Il est roux! OK. C'est super. À part les siamois, tu connais-tu une autre sorte de chat? Mon chat, c'est un persan, fait qu'il adore la face. Ah ouais, OK, ouais. Bon, OK, persan puis siamois, mais à part de ça... Maine Coon! Ouais. Bâtard. Un bâtard, ça, c'est une race pure. Ouais, les gris. Oui. Les noirs. Et les roux. Ouais, voilà. Je sais tout maintenant. On sait tout sur les chats. Donc, on a parlé de chats aujourd'hui, c'est fait. Et puis, donc, à 1h30, je lis La Presse et devine qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais je sais pas, là, comment tu veux que je devine ça? Il y a tellement d'affaires qui se passent dans le monde. Comment tu veux que je cible? Le pape a donné sa lettre de démission. Non! Oui, Benoît XVI ne sera plus en fonction à partir du 28 février. Ah, lui, il remet ça plus tard. Hein? Il donne son 2 semaines de, oui. d'avis. Là. Ben oui, c'est un bon gars. Son 4%. Oui, et puis, sais-tu que c'est la première fois en 800 ans que ça arrive? Qu'un pape donne sa démission et non pas genre laisse sa place parce qu'il meurt. C'est ça. OK, wow! Fait que, il ne se sent plus apte dû à son âge et à sa forme physique de papé. De papé. Il peut plus papé. Il est plus pépé. Ben non. Donc, ça veut dire quoi? On va avoir Benoît 17. Comment ça marche, ces affaires-là? On ne s'est pas renseigné du tout là-dessus. Mais non, pas en tout. Là, tu me prends de coup. C'est ça. Oui. Mais je pense qu'il peut peut-être choisir son nom. Ils vont retourner en fermé. Puis il va encore avoir la boucane. Puis tout. Tout plein de boucanes. Ben oui, c'est, ils ont choisi ou pas. Ça n'aidera pas la santé du pape, ça. Non, c'est pas bon. C'est pour moi. Ah ben, Colin... Fait qu'on sait tout. Vous savez à la maison que pape ne sera plus. Benoît XVI, c'est fini. Pape non moins. Fait que toutes les mimes, là, puis les photos avec lui, puis Voldemort... Ah, je t'ai dit! Ça c'est fini. Dire son nom! Mais c'est pas trois fois dans le miroir? C'est pas le bonhomme 7 heures? Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Je les mélange tout le temps. Ouais, le pape Beetlejuice, même affaire. Hein. Ah, merci voilà. beaucoup, Jean-Philippe. Superbe. C'était l'actualité. L'actualité. maintenant, tiens, apprenons d'autres choses très intéressantes dans la chronique C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les trois V. Comme le Vatican. Vatican, il y a trois V, mais il y a un V. À moins que tu l'écrives Vatican. Ouais, des fois, j'ai le syndrome de la tourette du crayon. Ou du clavier. Oui. Ça aurait été plus logique. Ouais. Mais bon. Donc, allons-y. Et en passant, avant même de commencer, sur Twitter, Assemblage Requis a déjà un compte sur Twitter qui est AsRequis. Vous le savez tous, twitter.com/AsRequis. Je vous ai fait une liste publique qui s'appelle C'est un fait, donc la chronique au complet, tous les faits, en fait, toutes les sources de faits dans une seule liste que vous pouvez suivre et à laquelle vous pouvez vous abonner sur Twitter. Donc, cherchez Assemblage Requis et puis cliquez sur C'est un fait. Allons-y avec les faits de la journée, pourquoi pas, dans le cross-country bike racing, la course de vélo cross-country. Cross-country. Cross-country. Les initiales BMX veulent dire quelque chose. Ah. C'est ça. C'est Bicycle Motocross. Oh. Cross, le X, ouais. Comme la croix, mais sur le côté, comme le signe de foi, là. Ou la foi comme la foi de Dieu, donc croix, tu sais. Oh. Peut-être pas celui-là. Non. Juste la première partie du film. Halle Berry a été nommée en hommage à un magasin. Ses parents ont choisi son deuxième nom, dans le fond, comme hommage à un endroit à Cleveland qui s'appelle Halle's Department Store. Un magasin d'alcool. Bah, bonne question. C'est triste, moi, j'aimerais pas ça, moi, que... Genre Steinberg Charbonneau. On dirait que t'aurais sûrement une moustache avec le nom Steinberg, on dirait. Ouais, puis je serais probablement dépassé. Ouais. En tout cas. Une terre entière peut vivre jusqu'à 2 ans sans manger. Ah, ben félicitations, hein. En Grèce antique, un match de boxe commençait avec les deux boxeurs face à face et leurs nez qui se touchaient. Super homoérotique. Ouais. Très joli. Les études sur le comportement humain suggèrent que les gens vont souvent hésiter lorsqu'ils textent quelqu'un par peur de leur taper sur les nerfs, les fatiguer. Genre, tu sais, tu te demandes la question, est-ce que je devrais y écrire ou est-ce que je vais le gosser, est-ce que je vais le déranger dans son émission, la voix. Ouais, mais tu dois texter pas mal la même personne pour te dire ça. Mais tu sais, tu peux envoyer un message texte comme « Salut qu'est-ce que tu fais ce soir? » J'ai tellement peur de la déranger, mais ça fait peut-être 8 fois que tu la textes la même affaire et elle répond pas. Il y a un message. C'est un indice derrière, ouais, c'est ça. Ça prend 4 secondes, et ça, on vient de le vivre il y a quelques secondes, justement. Ça prend 4 secondes avant que le silence devienne inconfortable. Ah! C'est fait. Oh, oui, tout à fait. Chaque main humaine contient 29 os. Majeur et mineur, 29 jointures majeures, 123 ligaments et 34 muscles, ce qui fait bouger les doigts et le pouce. C'est beaucoup. Un petit poulet, que les lobes d'oreilles rouges va produire des œufs bruns. Et un poulet avec des lobes d'oreilles blancs va produire des œufs blancs. Pourquoi est-ce que les œufs ne sont pas rouges avec les lobes d'oreilles rouges dans ce cas-là? Hey, t'imagines-tu comment ça a été long faire le lien entre ça et la couleur des œufs? Tellement. Il y a un gars qui a été payé pour ça. Pauvre chercheur. Le volleyball a été inventé à Hollyoake dans un YMCA en 1895. Son inventeur était William George Morgan et le jeu s'appelait au départ Mintonette. On avait joué au Mintonette. Je sais pas si ça venait de badminton. Ouais, je pensais à la même affaire. J'essayais de faire une petite cocasserie. Probablement. Ça a pas marché. C'était plus une phrase. Ouais. Le plus long arc-en-ciel, en fait, l'arc-en-ciel qui a duré le plus longtemps au monde a été observé à Sheffield le 14 mars 1994 entre 9h du matin et 15h l'après-midi. Ah, c'est le gars qui arrosait son père. Hein? J'ai mis jusqu'à l'arc-en-ciel. Cute. Selon IBM, 90% des données numériques du monde ont été créées depuis les deux dernières années. Oh, 90% depuis les deux dernières années. C'est beaucoup. Ouais. Google Translate génère ses réponses en cherchant dans des décennies de travaux traduits par les humains. Par exemple, des documents des Nations Unies. C'est là que Google Translate va chercher ces informations. Pourtant, on dit tout le temps que Google Translate, c'est pas très efficace. Hein. Mais ça s'est amélioré. Beaucoup depuis les dernières années. Ouais. Dans le temps, je me rappelle que tu te fies pas là-dessus bien longtemps. Là. Non. Comme Babblefish. Ça, c'était pas le fun. Les armes, dans la version originale de Clou, qui est appelée ailleurs dans le monde Cluedo, mais nous, on appelle ça Clou. Donc, à la base, dans le brevet d'origine, il y avait une bombe, du poison et une seringue. Est-ce qu'on dit seringue? Seringue. C'est trash? Hypodermique. Oui, tout à fait, c'est très, très trash. Selon le National Insurance Crime Bureau, le véhicule le plus volé en 2012 était une Honda Accord 1994. Spécifique quand même. Apple vient de vendre sa 25 milliardième chanson. Le gars qui l'a téléchargé a reçu une carte cadeau d'iTunes de 13 525 $. Wow! C'est fin! C'est tellement gentil. Avoir su, là, moi, je me serais mis à la tâche. Une chance que c'est pas lui qui a téléchargé 25 milliards de chansons lui-même, parce que là, par comparaison, une petite carte cadeau de même. Là, ça serait pas grand-chose. Imagine si t'as téléchargé juste une chanson de ta vie, c'est la première fois que tu utilisais iTunes. Là, boum! 13 000 piastres. Tu continues, tu sais? Ouais. Tu continues. La première fois qu'une communication électronique a eu lieu dans le monde, c'était en 1871. On a annoncé le gagnant du derby, là, de derby. C'est quoi, c'est des chevaux, ça, d'un derby, je pense? Ouais. En tout cas, ça a été télégraphié de Londres à Calcutta. C'était la première communication électronique en 1871. La coutelliaphobie, c'est la peur des... coutelleries. Ben, proche, oui, c'est des cuillères. Uh-huh. Liam Payne de One Direction a peur des cuillères, qui dit. Ouais. Deux personnes sur cinq qui commencent à boire de l'alcool avant l'âge de 15 ans deviennent des alcooliques. Oh. Deux personnes sur cinq qui commencent à boire avant l'âge de 15 ans vont devenir alcool. Et merde! Oups, hein, t'as commencé à... Je sais pas, hein. Ben, je pense que c'est ça, 15 ans. T'es mineur. Est-ce qu'il est inclusif ou exclusif? Oh, bonne question. J'imagine inclusif. Tout le monde est bien ouvert d'esprit. Oui, on est prêt à tout. Le jeu de GUTS, connais-tu GUTS, G-U-T-S? Non. C'est un jeu où deux équipes vont se lancer un frisbee à de hautes vélocités en espérant que l'autre équipe ne l'attrape pas. Ah, ok, GUTS. J'imagine que ça veut dire que le frisbee va te rentrer dans le ventre, GUTS. Ouais, ou te trancher la tête. Ça a l'air bien le fun. La première reprise instantanée a été utilisée pendant une partie de l'Army Navy Football au stade municipal de Philadelphie le 7 décembre 1963. La reprise instantanée pour déterminer si un but compte ou pas, là, ce genre de choses-là. Eh bien. Apparemment qu'il y a des couleurs qui sont trop complexes pour l'œil humain. Des couleurs qu'on appelle des couleurs impossibles. Et là, j'ai été faire ma petite recherche. Je suis allé faire ma petite recherche sur Wikipédia. Et des couleurs impossibles, des couleurs interdites, ce sont des teintes qui ne peuvent pas être perçues de façon normale. C'est une combinaison de différentes intensités, de différentes fréquences de lumière visible. Donc, des exemples de couleurs impossibles, c'est un genre de jaune bleuté. Ou un genre de vert rougeâtre. C'est pas le genre de brun qui est créé en mélangeant, tu sais, mettons, du rouge et du vert. C'est pas des mélanges de couleurs comme ça. C'est juste une teinte mélangée par les fréquences de lumière dans la vie. Donc, on peut pas les voir. On peut jamais, en fait, les voir d'ordinaire. Mais on peut les percevoir dans des conditions de laboratoire artificielles. Donc, c'est ça. Ça s'appelle des couleurs impossibles. Fait quoi, mettons, tu tapes ça sur Google, tu peux pas voir rien. Non, c'est exactement si ça. Je comprends bien. T'as tout compris. Faut être en laboratoire et je trouve que ça a l'air vraiment fascinant. J'aimerais en voir. Oui, quand même. Mais j'ai peur comme de te faire. Que tu te fasses aspirer. Comme par la lumière. J'ai peur que tu disparaisses. C'est pas un trou noir. Regarde, non, mais un lugubre. Pour rendre hommage à ces couleurs impossibles, on écoute la formation Le Couleur et leur pièce L'Amour le Jour. Oh. Puis après ça, il y a plus de cet œuf. Thank you. La formation Le Couleur. Oh, cute. Je balotais la tête. C'est la pièce L'Amour le jour. Donc, on continue avec C'est un fait, toujours à la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Il nous reste un petit bloc rapide. Twitter, cause de l'insomnie. En fait, c'est devenu la cause de distraction du sommeil la plus commune dans le monde. Donc, j'imagine que ça t'était déjà peut-être arrivé si tu suis Twitter un peu. Des fois, tu veux tellement être à jour que tu dors pas. Mais c'est vrai que Twitter, si tu lâches ça un peu, là, tu mettons, tu pars en vacances. Ouais. C'est sûr, après ça, revenir dans le... J'ai la difficulté à survivre. Ouais. Moi aussi. Je suis un petit peu dépendant de ça en ce moment. Mais pas de Facebook, hein, j'ai abandonné ça assez rapidement. Faites attention lorsque vous unfriendez quelqu'un, que vous l'enlevez de vos amis, parce que les chercheurs ont découvert que 40% des gens disaient qu'ils allaient éviter quelqu'un qui les avait enlevés de leur liste d'amis sur Facebook. Je connais quelqu'un qui m'a enlevé de sa liste d'amis. Je la revois, puis c'est comme un petit peu froid, parce que, tu sais, cette personne-là sait qu'elle m'a enlevé, puis je sais, tu sais. Ouais. Ça cause des tensions, je pense. Ouais. Pas le fun. Enlever personne de vos amis. Pourquoi en avoir moins? C'est plus, c'est bon. Cachez-les à la place si vous voulez pas leur nouvelle. Ben oui, t'as juste à faire le petit X, puis tasser de là, caché, il me semble, c'est pas dur. La tour Eiffel est repeinte à chaque 7 ans. OK. Si les publicités et le pre-game show du Super Bowl étaient cousus ensemble, ce serait l'équivalent de la durée du film Gone with the Wind, 238 minutes. Toutes les pubs et le pre-game show. Ben, je pense que j'aimerais ça. Ce serait meilleur qu'avec le match auto. Evel Knievel, le cascadeur, a le record pour le plus grand nombre d'os brisés dans sa vie. 433. C'est tellement badass. C'est vrai. C'est un dur à cuire. Oui. Jusqu'au début du 20e siècle au Japon, le fait que sa femme soit gauchère, c'était assez pour se divorcer. Tu pouvais dire la cause de ton divorce quand tu demandais un divorce, ma femme est gauchère. Ouais, mais c'est quoi, il l'a pas vu avant? Ah, il l'a jamais vu écrire parce qu'une femme, ça fait à vaisselle, ça écrit pas des affaires. Mais oui, mais là, les torchons, hein, il était pas dans bonne main. Ah, moi, des fois, j'utilise ma main gauche pour faire des choses, là. Oh. Tu sais, prends pas tout pour acquis, toi, là. Non, c'est vrai. Juge-moi pas. dans certains cas, si tu deviens tellement proche de quelqu'un, si tu deviens, tu sais, si t'es vraiment ami avec quelqu'un de très très près, tu vas pouvoir entendre sa voix dans ta tête quand tu vas lire ses messages textes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est jamais arrivé. Non, moi non plus. Sauf avec l'application, lire le message texte avec la voix de ton ami. Hey, oui, c'est une nouvelle fonction dans le plus récent Siri, là. Mm-hmm. Hey, ben, d'ailleurs, savais-tu qu'il y a des nouvelles maladies justement liées au téléphone? Que t'entends ton téléphone sonner. Oui. C'est psychologique. Tu le sens aussi sur ta cuisse. Oui, vibrer. Tout le temps à la cuisse. Mais l'entendre, ça peut être la batterie qui fait des folies. Ouais. Mais vraiment, l'entendre, c'est vraiment c'est un signe d'anxiété. Et t'as peur de pas te faire appeler. Ah! Une chance que je me fais jamais appeler. Comme ça, je peux pas avoir ce problème-là. Ben non, moi, je mets tout le temps sous vibration. Pas de problème. Puis j'aime ça que ma cuisse en shake. Bon. La couleur bleue a un effet calmant. Ça relâche les hormones dans le cerveau, apparemment. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Twitter, Facebook et Skype ont leur logo bleu. T'es dans un environnement calme. Mm-hmm. Et bien, pourtant, il n'y a rien de plus stressant que Twitter. Mais non, ça. Recevoir des pokes. Tu reçois encore des pokes ou ça fait vraiment littéralement des années que je reçois votre poke? Ben, j'en ai reçu un récemment, puis j'ai fait « Wow! » Pourquoi encore cette application poke? Ça veut dire que quelqu'un veut du sexe, d'habitude, poke. Ah. Mais bon. Oh merde, je verrai plus jamais cette personne de la même façon. Tu dois payer une contravention de 600$ en Thaïlande si on te prend en train de jeter ta gomme sur le trottoir. 600$. Tu vois, moi, j'encouragerais une contravention pour ça, peut-être pas 600$. Ouais, puis tu regardes la chaise, justement, qui a une gomme dessus. Sur la chaise du studio, ça pourrait être un bon 30-40$. Oh, facile. Comme contravention, ouais. Non, j'apprécie. Les balles de ping-pong, savais-tu qu'elles sont pas vraiment vides? Elles contiennent du gaz pressurisé. Ouais. Je ne sais pas ça. Ouais, et puis si t'es pris en feu, ça fait... Ouais. Wow! Motorola a créé le premier pager, beeper, pagette, en 1956. 56! Ça fait longtemps. Ils ont introduit sur le marché le premier pager à deux voix, si on veut, c'est envoyer et recevoir. En 1995, on pouvait envoyer des messages textiles, genre... Ça a quand même pris du temps. Oui, vraiment, entre les deux, 56 et 95. On vient au bal. Toujours la fin de parler de bal. Environ 42 000 balles de tennis sont utilisées dans les 650 matchs, plus ou moins, du championnat Wimbledon. 42 000, ouais. Un nom qu'on a considéré pour le prix des Grammy Awards qui avait lieu, c'était hier soir, dimanche. Ouais. Donc, on sait que le nom, c'est les Grammy. Et en passant au pluriel, Grammys, G-R-A-M-M-Y-S, et non pas M-M-I-E-S, comme le pluriel le voudrait en anglais. C'est une exception. C'est une exception à la règle. Donc, on dit qu'un des noms qui était considéré pour le prix, c'était le Eddie. Après, en hommage à Thomas Edison, le fondateur du gramophone, parce que Grammy veut dire gramophone. Ça, je pense que c'était évident. J'avais pas vraiment besoin de le dire, mais quand même. Donc, Eddie, ça aurait été un autre nom. Il nous reste que des petits faits de jeux vidéo avant de se quitter. Dans Elder Scrolls 2 Daggerfall, on prévoyait que le joueur pouvait avoir des relations sexuelles avec des joueurs, des NPC, des non-playable characters, des personnages avec lesquels on ne peut pas jouer, donc on ne peut pas contrôler nous-mêmes. Okay? Ils agissent par eux-mêmes. Donc, on devait pouvoir avoir des relations sexuelles avec ces personnages-là dans le jeu. Il y a beaucoup de textes non utilisés dans le code du jeu, d'accord, donc behind the scenes, là, qui montre ça, qui témoigne de ça. Et enfin, il y a même du texte qui suggère qu'on était capable de joindre une guilde de prostituées et de changer notre personnage avec lequel on jouait en prostituée. Donc, si vous voulez aller voir les textes, c'est sur assemblagerequis.com. Intéressant. Le célèbre Konami Code, tu te rappelles du Konami Code, c'est Baba, gauche-droite, Beyer Start. Oui, c'est ça. Donc, le célèbre Konami Code a été inventé par le programmeur de Konami, Kazuhisa Hashimoto, après ne pas avoir réussi à battre le jeu Gradius sur la Nintendo Entertainment System, la première NES, la première Nintendo. Donc, il a programmé un code très simple dans le jeu qui lui donnait tous les power-ups et qui lui permet de battre le jeu jusqu'à la fin. Quel mauvais perdant. De tester. Ouais, hein? Ouais. Pas capable de le battre, code. Mais là, c'est rendu plus compliqué, là, les cheats. Là. Pas mal. Plus de haut-bas, là. C'est la petite bière. Ouais. Bien. Il y a un ennemi non utilisé dans le jeu Half-Life qui s'appelle Mr. Friendly. Et selon le livre Half-Life 2 Raising the Bar, les attaques de Mr. Friendly, en fait, c'était entre autres de frapper ton personnage, Gordon, lui enlever son arme dans sa main, lui enlever ses lunettes au personnage, ce qui fait que l'écran devenait un petit peu flou. Tu pouvais même violer. En fait, le personnage te violait. Ça a été créé par Ted Backman et la raison derrière son apparence qui ressemble un petit peu à un appareil génital masculin, c'est parce qu'il avait décidé de choisir un ennemi qui éliciterait des réponses homophobes. Et en fait, la texture dans le jeu, il y a une texture pour ce personnage-là. Et puis, la texture est signée par Ted Backman. Donc, c'est un personnage qui aurait pu exister, mais qui n'a pas existé. Intriguant. Et dans la section Ghost Square de Final Fantasy VII, il y a une citrouille verte dans le coin d'une pièce. Une citrouille verte, d'accord? Et cette citrouille-là, en fait, si tu interagis avec, elle va rire. Et le rire est en fait une version ralentie du rire de Kefka, qui est le vilain principal dans le jeu. Donc on va essayer d'aller écouter l'extrait. Okay. Donc, on va recommencer au début. Slow-mo. Ça, c'est la version de la citrouille. Ça, c'est le vrai vilain. Là, si on le ralentit à 75%, ça commence à ressembler à la citrouille. Ouais. Et ben! Donc, il utilise l'audio de Kefka en tant que base, mais c'est joué à 75% du... dans le fond de comment t'appelles ça, de la vitesse originale. C'est ça, et un petit peu de manipulation audio. Donc voilà, c'est le rire de la citrouille, c'est le rire du vilain. Voilà pour cet effet. On va prendre une pause. Prenons une pause. On vient avec Simon Fitzbé qui lui va nous critiquer les albums. T'attends? Oui j'ai le goût. T'as le goût? Oui. On écoute Life Inside a Chocolate House. Faisons ça. The Run with the Kittens. J'ai peut-être l'impression de dire One with the Kittens. Nous faisons partie des chatons. One with the Kittens. Who needs it? I don't know. Who wants it? Retour, ma Valentine est ensanglantée puis elle porte pas de casque. Ho ho! C'est trash. Ouais, hein? Bon lundi? Ouais! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours à Assemblage requis avec John Philip. Yes. Car Goodwater. Oui. Charbonneau. Oh. Car Goodwater. Ouais. Non? Peut-être. Non? Moi, je trouve ça bien. Mm-hmm. Je trouve ça intelligent, même. C'est mon fils bébé d'arriver. C'est le moment de sa chronique musicale. Bon matin, Simon Fitzbé. Bonjour, messieurs. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui, on est habitué de t'avoir avec une chronique éditoriale ou ce qu'on appelle chroniquée. Chroniquée, ouais. Si mon humeur vous déplaît. Et tu changes un petit peu ton concept, même si on va continuer de parler de ta chronique du Zone Campus une fois de temps en temps. Oui, effectivement. Ben, c'est que, tu sais, avoir une opinion sur tout à un moment donné, c'est dur. C'est bien lourd. Stressant. T'es tout le temps négatif. Et tu fais toujours penser à qu'est-ce que tu penses de quelque chose, alors que des fois, tu peux t'en contre-ficher. Exactement. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire, me contre-ficher. d'écouter quelques disques, quelque chose que je n'avais pas fait concrètement depuis décembre dernier. Et ça manque à l'émission parce que vous savez, Maxime Tanguay avait une chronique musicale l'année passée. Il a arrêté pour pouvoir animer les Palmarès, c'est fou. Exactement, mon éminent collègue Maxime Tanguay. Donc, je reprends le flambeau de ses bras meurtris. Je vous parle cette semaine donc de deux albums qui sont parus. En fait, dans ma tête, ça allait être très simple. J'allais vous parler d'Avec Podcast et d'un album qui est paru pendant le mois de janvier, disons Foxygen. Mais, surprise, est sorti en fin de semaine dernière le dernier album de My Bloody Valentine que je vais garder pour la fin. C'est vraiment la pièce de résistance. On va en parler dans quelques instants, mais on va débuter avec Podcast, simplement. Ben oui. C'est dur de dire avec podcast. Ouais. donc, l'album Dommage que tu sois pris. En fait, c'est un mini-album, un EP. En bon français, qui est paru mardi dernier. J'ai eu la chance de pouvoir le commander en vinyle et pour une fois, les vinyles de grosse boîte fonctionnent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Il y avait eu un bug avec quel album que tu avais acheté? Gros Money. Oh mon Dieu. Ouais, j'étais un peu déçu. Non, je l'ai aussi à la maison puis je ne l'ai pas encore déballé. Déballe-le pas, garde-le comme pièce de collection. Peut-être qu'il fonctionne bien. Ils m'ont dit qu'ils faisaient des contrôles de qualité parce que j'étais un peu fâché. Je leur avais écrit et finalement, c'est ça. Quand même pogné avec mon disque, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même une bonne maison de disques. Donc, ce mini-album qui fait suite à l'album Astronomie qui a été acclamé par la critique et qui m'a redonné d'ailleurs le goût d'écouter avec podcast, puisque j'avais plus de misère avec Trois Chaudières de Sang. Les autres efforts de la formation, vraiment, ça m'a pas rallié, mais ça m'a ramené au bercail. Rallumer la flamme, oui, effectivement. J'ai ressorti mes bottes de cow-boy. Raviver la passion. Ah. C'est un mini-album à la sonorité éminemment country, bien sûr. On peut pas sortir avec podcast de ce son. Qui se rapproche vraiment beaucoup de la country, mais qui est d'une country quand même intéressant. C'est pas nécessairement un défaut. C'est des belles mélodies. C'est aussi une belle utilisation donc de l'instrumentation country. Je trouve que c'est bien fait. Un peu comme Neil Young le fait également du côté du country lorsqu'il fait l'utilisation de... les textes sont intéressants, parfois un peu futiles, un peu enfantins, mais toujours très, très, très imagés. C'est une particularité avec podcast, c'est d'avoir vraiment des chansons où on a l'impression que c'est un mini-film ou une histoire. Et d'ailleurs, c'est-à-dire le compositeur des paroles, Stéphane Lafleur, est également réalisateur au cinéma. Donc, c'est vraiment c'est un de ses grands talents. On ouvre donc l'album avec la pièce Cascadeur, qui est une pièce extrêmement country, là, c'est vraiment le type, on entend le dobro en arrière et tout, c'est vraiment fort intéressant. Vraiment, la pièce qui retient l'attention sur le premier côté de l'album, mais c'est la deuxième, donc dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle, là. Je veux dire que je parle, là, que je parle. C'est sans aucun doute des moments les plus forts de cet album-là. Ça explique très bien Nathalie qui nous raconte une belle petite histoire, donc une histoire d'amour qui malheureusement n'arrive pas au bon moment, avec toujours des images les plus frappantes les unes que les autres. Et je vous invite, si vous avez cet album-là, à l'écouter donc au complet. Avec les paroles dans les mains, ça vaut vraiment la peine de les lire, puisque si vous êtes comme moi, ben, on fait un peu abstraction des paroles, les premières écoutes qu'on fait d'un disque, et c'est ce qui m'est arrivé. Par la suite, j'ai pris le petit livret, et j'ai vraiment plus aimé mon expérience, encore plus, en fait, ça a bonifié le tout. J'ai des amis, en fait, qui se plaignent que c'est trop country, hein, avec podcast, et qu'il y a une hype autour de tout ça. Moi, c'est comme je le disais tantôt, je trouve que c'est une belle utilisation qu'on fait de cette musique-là. C'est un groupe qui est urbain avec podcast, c'est des Montréalais, mais ils arrivent à sortir un peu de leur zone de confort ou de leur ville même en utilisant cette musique-là. Et c'est ce qui arrive à faire vivre également aux gens qui, parfois, habitent en ville, hein, ils veulent avoir une petite touche de la campagne, sont nécessairement allés à Saint-Tite. Et les paroles sont plus intéressantes également que la chanson country moyenne qui parle soit de cheval, de char, de pick-up ou Kraft de... Dinner. Kraft Dinner. Alors, c'est vrai, toi, t'aimes pas Lisa Leblanc. Hein? Non, pas tellement. On pourrait embarquer en débat là-dessus. Okay. Moi, je l'aime bien. Ah, oui, bon. Lisa. D'accord. La belle Lisa. Ben oui. Et un des points forts également de ce groupe-là, c'est justement c'est de faire de très bons refrains, des bons hooks, des bonnes... on va l'entendre d'ailleurs dans cette pièce qu'on va vous présenter, l'extrait de l'album. Tous les refrains sont mémorables. C'est ce qu'on se rappelle le plus souvent de l'album. Bien sûr, quand on lit pas les paroles. Et ce disque-là se termine avec la pièce « Joël fait dire ». C'est vraiment... moi, c'est ma pièce préférée, la mieux harmonisée. D'ailleurs, les paroles sont aussi vraiment intéressantes. Mais l'harmonisation du country donne place plutôt à une profondeur plus pop. On fait appel, entre autres, à des cuivres. Et également, il y a un synthétiseur. Je sais pas si c'est un orgue comme tel, mais c'est un synthétiseur intéressant. C'est vraiment très, très intéressant pour ce qui est de cette pièce-là. Je dis des cuivres, mais c'est surtout du cor anglais. Donc, en tout, dommage que tu sois pris. Moi, je dirais plutôt que c'est dommage que ça soit pas assez long, puisque c'est un peu moins de 30 minutes, cette chanson, ce mini-album-là. On aurait facilement pu en prendre deux fois plus. Et si vous aimez ce que vous entendez, eh bien, je vous invite à vous procurer ce EP-là, mais également tous les autres albums d'Avec Podcast, qui en sont rendus donc à 3 albums studio et un EP, dommage que tu sois pris. On écoute donc la pièce tout de suite? Oui, voilà. Très bonne pièce. Oui. Sondage Requis, c'est la chronique musicale de Simon Fitty. Elle me dit, la vie me traîne, me gâche et me crache sur des distances qui ne se comptent pas sur les doigts. J'en ai dépensé des nuits et des lendemains de veille. Gagné des prix de présence, même quand j'étais pas là. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. tellement, mes quatre ans sont ouverts. J'ai vidé le volcan, j'ai bu sans jus de braise. Si au par malheur les hommes étaient tous faits en bois, j'en connais quelques-unes qui auraient mis le feu dans le tas. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Pièce dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. tiré du mini-album « Dommage que tu sois pris » d'Avec Podcast. Donc, mini-album intéressant. Je suis en train de considérer si je vais donner des notes aux albums ou non. Donc, je vais Et laisser comment tu les donnerais, mettons, tu sais? Ben, si vas... j'avais une note, mettons, comme dans l'examen final, ouais. sur A à E, ben, ça serait un B+. OK. Parce que, justement, pas assez long. Peut-être un peu country, d'ailleurs, c'est des chevaux qui sont sur la pochette, donc c'est pas nécessairement super urbain comme pochette. Pas tout à fait. Pas tout à fait, non, mais la livraison, par contre, est extrêmement rapide, donc j'ajoute un petit plus, ça a pris deux jours avant que C'est pas livré par cheval, c'est ça que ça veut dire? Non, exactement, okay. C'est livré par un gars de Post Canada qui a l'air bête parce qu'il a fallu qu'il monte trois étages pour se rendre chez nous. Et que t'avais pas déblayé correctement tes mains. Effectivement. Je connais ça, j'ai fait la même chose. Mais ça, c'était pour pas que le gars d'Hydro vienne chez vous. Donc voilà, petit B+, procurez-vous-le. Disponible sur le Bandcamp d'Avet Podcast. Et vous pouvez écouter, je pense, deux ou trois pièces là-dessus avec les paroles. Et lisez les paroles, c'est le plus intéressant. Maintenant, on passe à un album qui est disponible justement seulement sur le web. Franchement, quelque chose qui a surpris tout le monde. Tous les blogs en parlent et dans l'euphorie, Pitchfork ont fait une crise cardiaque quand ça a sorti. C'est MBV de My Bloody Valentine. Écoutez, c'est le premier album de la formation en 22 ans, donc on l'attendait vraiment pas. Surtout comme ça, donc garoché, si on veut, par Kevin Shields, le groupe, puisque ça a été fait, ça a été mis en ligne dans la nuit de samedi à dimanche, donc du 2 au 3 février. Moi, je l'ai su mardi quand il y a une critique. Ça, ce mot-là. Ouais. Critique. Mais d'habitude, c'est pas positif, ça. Non, critique. On essaie de parler moins de caca. Faut pas de scato dans notre émission. Oui, c'est ça, c'est une critique. Moi, c'est sur Pitchfork, j'ai vu, mais après ça, ça a pris dans à peu près tout. Nouvel album MBV de My Bloody Valentine qui est disponible uniquement en ligne pour le moment sur le site du groupe www.mybloodyvalentine.org. My Bloody Valentine en un mot. C'est disponible en MP3 et en Wave pour le moment. Les CD et les vinyles s'en viennent en quantité limitée plutôt. Il y a un prix quand même pas donné. C'est 16$ pour les MP3, 22$ pour le CD et 30$ pour le vinyle. D'habitude, c'est une dizaine pour les MP3. Ouais, moi, généralement, je trouve que c'est raisonnable quand c'est une dizaine de dollars. Ouais. Hein. 16, ça commence à être un peu trop, mais c'est indépendant. Donc, tout l'argent va au groupe, ce qui est quand même bien, puisqu'il va falloir qu'ils mettent de l'argent pour les CD et les vinyles. Bref, les premières pièces de l'album reprennent vraiment où le groupe avait laissé avec Loveless en 1991, c'est-à-dire du drone, une guitare omniprésente, un son extrêmement particulier comme seul le groupe My Bloody Valentine sait le faire. Vraiment, on joue avec le son carrément. On dirait des fois que le tape il lâche dans l'enregistrement où il ralentit et il accélère. Et pourtant, c'est tous des trucs qui sont faits live avec, entre autres, la whammy bar de la guitare, tu sais, la barre qui fait Les autres sont capables vraiment de jouer avec ça. C'est le plus intéressant. C'est le seul groupe qui est capable de faire ça. Ça n'a jamais été reproduit nulle part. Et donc, les trois premières pièces sont vraiment en ligne droite avec ce qui avait été fait plus tôt. Et c'est probablement, ça fait partie en fait probablement des pièces développées en 1991, mais qui n'ont pas été incorporées à Loveless, parce qu'ils ont travaillé pendant deux ans sur cet album-là, entre 88 et 91. Il y a eu du matériel comme il s'en peut pas, qui est sorti de tout ça, et probablement qu'on l'a retravaillé en 22 ans et qu'on a décidé de le mettre finalement. Donc il y a de très très bonnes pièces. J'ai pas mon ordi, fait que j'ai pas la playlist des pièces. C'est un peu niaiseux, mais j'en ai noté par contre. Donc Chiffon Nord, qui est la pièce qui ouvre l'album, qui est quelque chose. C'est le simple en fait de ce disque-là, c'est que ça nous saute d'en face, c'est vraiment intéressant. C'est la pièce qu'on va l'entendre tout à l'heure. Mais également, il y a après ces trois premières pièces-là, la pièce Is This and Yes, qui donne l'impression vraiment d'aller ailleurs complètement. C'est une sonorité qu'on pourrait assimiler à la musique cosmiche qui se faisait dans le krautrock dans les années 70. Ça me fait penser un peu à Philip Glass également, sur entre autres Kyrianis Katsi, le son du clavier. Franchement intéressant pour les connaisseurs, là, petit clin d'œil les types là-dessus. Le milieu de l'album, cette fois-ci, est un peu plus pop. Donc, la pièce New You, entre autres, sonne même un peu comme le tout premier album Isn't Anything du groupe qui est sorti milieu des années 80. Il y a eu plusieurs EP aussi également avant. C'est les trois dernières pièces vraiment de l'album qu'on découvre le nouveau Bloody Valentine. C'est beaucoup moins drone, on ressent beaucoup plus la présence des échantillonnages de batterie qui sont habituellement camouflés entre de la vraie batterie et le son des guitares qui est omniprésent. Donc les pièces sont plus énergiques également à la fin de l'album. C'est quasiment en dance parfois, même la guitare prend pratiquement un son de clavier. C'est assez particulier. Ça nous sort en fait de la semi-catatonie dans laquelle la première partie de l'album nous avait plongé. Parce que pour ceux qui connaissent pas My Bloody Valentine, vous allez avoir un bon exemple avec l'extrait de tout à l'heure de ce que peut ressembler cette musique drone là, vraiment très très pesante. C'est pas un album parfait, loin de là, mais on devrait le prendre en fait à petite dose afin de pas trop se perdre dans les différents styles et les différentes approches du groupe. C'est un album en trois temps. Le début qui est un peu plus proche de ce qui se faisait avant, le milieu qui est un peu disparate, un peu spécial, et la fin vraiment qui présente le shift en fait, les changements dans la musique de la formation. Les points forts en fait de cet album-là, c'est la première pièce She Find Out Now ainsi que Only Tomorrow qui suit Is This and Yes, qui est une pièce que j'ai bien aimée également, et dans le dernier triumvirate des pièces, j'ai bien aimé In Another Way, qui est la septième pièce sur cet album. Donc on peut quand même pas trop en demander puisque on considère que le travail est mis sur sur différents styles, mais on arrive quand même à très bien les agencer. Il s'agit peut-être également d'un pont pour de futurs albums du groupe. Et j'aime ça qu'ils soient capables de sonner comme avant et qu'on a innové en même temps. Donc voici pour terminer ma chronique cette pièce She Found Out Now de My Bloody Valentine sur les ondes du 89 FM, c'est fou. C'était la pièce She Found Out Now de My Bloody Valentine dans la chronique de Simon Fitzbay, nouvelle chronique musicale qu'on va retrouver ici toutes les semaines à Assemblage Requis. C'est ce qui va prendre le créneau de Simon Humeur vous déplaît. Par contre, on va encore avoir son éditorial Simon Humeur vous déplaît dans Assemblage Requis à une date et un jour à déterminer plus tard. Ah ah, c'est bon ça? Tu peux pas dire vite, hein? She found out now. Mais je pense que c'est She found now, mais je comprends pas ce que ça veut dire. She found now. Elle a trouvé à ce temps maintenant. Là. C'est clair, en tout cas. Ouais. Bref, vous pouvez retrouver Simon Fitzbay à son émission Album Classique les vendredis matins à 10h. C'est son émission où il présente un album vinyle au complet dans l'ordre que l'artiste aurait voulu aimer, genre que ça passe à la radio style comme. Mais il dit mieux que ça. Ouais. Et ensuite, à 11h, dans l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre, il y a ses éphémérides du rock où il parcourt la semaine. Il l'explore à travers les faits intéressants. Qui du rock. Du rock. Voilà. Donc, c'est Simon Fitzbay et on le remercie comme toujours de sa présence. Alors, on va terminer la première heure de notre émission ici. On va se retrouver tantôt. Et qu'est-ce qu'on a en deuxième heure, Jean-Philippe? Je sais pas, c'est toi qui as le plan. D'après moi, on va parler de ukulélé en spectacle. Je pense que t'as raison là-dessus. Puis après ça, on va sculpturer. On va sculpturer. Avec, on va ausculter. Ouais. Ausculturer. Ausculturer. Comme un docteur avec Alexandre Carignan et sa chronique Le temps d'une culture à 8h30. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. De retour à Assemblage Requis en ce lundi 11 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Ah, il est toujours Mathieu Plante. Oui. Et il ne sera plus pape. Il le sera. Moi, je lâche mon rôle de pape. Oui, c'est fini. J'ai toujours été tellement papeux, papin. Papin. Papin, pimpin, pimpin et pompon. D'énergie. Exactement. Il est 8h10, c'est là qu'il débute la deuxième heure de l'émission. Et puis, vous savez peut-être pas, mais on commence une nouvelle série aujourd'hui pour les prochaines semaines. En fait, on va recevoir des gens du culinaire en spectacle à tous les jours, tous les matins. De la semaine, lundi au jeudi, jusqu'à l'événement, évidemment, qui a lieu à la fin du mois. Et donc, on les accueille en ce moment en studio. Elles sont trois jeunes femmes. Hein? Est-ce que... Bonjour, ça va bien? Bonjour! Hello! Hello! Je pense qu'on va vous demander de vous présenter pour commencer. Tiens, on va commencer à ma gauche. Bonjour tout le monde! Moi, c'est Amélie Brun. Je suis coordonnatrice de UQTR en spectacle pour cette 9e édition. Et puis, je suis étudiante en administration. Donc, merci. Je suis fière de l'annoncer comme ça ce matin. Amélie, on retient les noms en même temps. Toi? Bonjour, moi, c'est mon nom, c'est Lisanne Marseille. Je suis étudiante en communication sociale. Puis moi, je m'occupe des participants puis de la technique pour le spectacle. OK, donc, à la date, ça fait Amélie, Lisanne. Oui. C'est bon. Jean-Philippe, j'allais te sauter complètement par-dessus. Oh, j'allais t'allais te sauter. C'est à Saint-Valentin, ça paraît. Lundi matin, même, moi. Et Carina Tardif. Ben oui, merci de me présenter. Je te connais pas. Étudiante au certificat en gestion des ressources humaines. Oh. Et je m'occupe de, attention, porte-parole, pré-jury, jury, animation, communication et médias. Tout le reste, donc. On dirait. La femme a tout fait. Tu dis tardi, toi? J'ai de la famille qui dit tardif, moi. Mais on dit tardi chez nous. Start pas ça. Ouais. Start aux pommes, comme on dirait. Donc, commençons par... donc, on connaît maintenant vos noms, vos rôles. On va présenter un petit peu UQTR en spectacle. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça a commencé? Petite historique de ça. Amélie? Oui, en fait, ça a commencé en 2004. C'est une initiative des étudiants d'ici même. Et puis, ensuite, ils ont créé le réseau Université pour l'ensemble des universités du Québec. Donc, en gros, c'est ça. Univers très union, cité. Exactement, pardon. Pour ne pas être associé aux universités du Québec, où je me suis toujours demandé pourquoi, et peut-être que vous ne savez pas la question. Mais la réponse, bon. Mais si vous ne savez pas la question, ça commence mal. On va faire nos recherches, revenir là-dessus. C'est bizarre quand même. Parlons de l'édition de cette année, l'édition 2013. À quoi ça ressemble, UQTR en spectacle cette année? On a 9 participants, en fait, là, qui s'inscrivent dans différents domaines. Certains font de la danse, de l'humour, du chant, beaucoup de numéros de musique que vous allez pouvoir venir voir le 28 février prochain au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Mm-hmm. J'ai vu qu'il y avait un porte-parole pour l'événement cette année. Oui, notre merveilleux porte-parole est Vincent C. Magie! Oui, magicien humoristique un peu trash. Très trash, même. Un peu beaucoup, hein? Puis, ben c'est ça, on est très contents. Très, très contents. Toi? Oui, content. Vincent C avec nous, hein? Très féminin cette année, oui. Hier en spectacle. Oui. Est-ce qu'il y a plus de filles que de gars dans les participants? Je dirais qu'il y a plus de gars que de filles. Ouais. Ouais. Il y a juste deux filles, je pense, ouais. Quel genre de participant est-ce qu'on va avoir? Qui a été choisi, qui a été retenu? Je sais qu'on va les rencontrer pendant les prochains jours, mais quelle sorte de numéro est-ce qu'ils vont nous présenter? Oui, ben comme Lisanne disait, on a beaucoup de chants, évidemment. On a des duos, de la musique instrumentale. Beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes. Ouais, là, oui. De l'humour aussi, ouais. De la danse, un peu de tout. Ouais. On va recevoir une personne par jour. Pendant les prochains jours, donc on va traîner ça jusqu'au 28, la date de l'événement? Oui, bien dans le fond, le concept est qu'aujourd'hui, on lance la programmation, dans le fond, des prochaines semaines. Puis du lundi au jeudi, après ça, vous et je vais être là aussi pour accompagner les participants. On va recevoir un participant par jour jusqu'au 26, parce qu'il y en a 9. Le 27, c'est nos fabuleux animateurs qui vont être là, ils sont 3 aussi. Deux gars, une fille. Et le 28 au matin, ça va être notre porte-parole, Vincent C, en entrevue téléphonique. Ici, wow. Là. Ouais. Ça va être spécial, ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, demain, on va recevoir Hugo Bourdelais en chant et en musique. Ensuite, pour le reste de la semaine, on a Marie-Pierre Laforge-Bourret, chroniqueuse ici à Assemblage Requis. Je ne sais pas si vous savez. Qui va faire, en fait, je pense pas qu'on va leur demander de faire un numéro de danse en nombre. ça pourrait être le fun, quand même. Et Michael Grenier, en humour, sera avec nous jeudi. Donc, c'est ce qui va avoir lieu. Donc, le 28, l'événement va avoir lieu. C'est un événement qui se passe en soirée. Ça se passe où? Oui, c'est... au Cégep. Au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Ouais. À 19h. Oui. Est-ce qu'on se présente là? Est-ce qu'il faut acheter des billets à l'avance? Comment ça fonctionne? Oui, bien, dans le fond, pour les billets, ils vont être en vente très bientôt au kiosque au deuxième étage, dans le fond, en face de la cafétéria. Puis sûrement à la coop aussi. Oui, on va retrouver à la coopérative étudiante. Puis le 28, il va en avoir aussi là, à la porte. Ouais. Ouais. Puis ça va être 7 $ en pré-vente, puis 10 $ à la porte. Les participants en ont sur eux aussi. Puis nous aussi, on se promène avec, là, si jamais vous nous croisez. Mais apparemment, il ne faut pas se fier aux photos Facebook parce qu'il y en a une qui a mis une photo d'elle à 5 ans. Cherchez-la pas par sa face, j'ai entendu ça comme ça. Mais bon. Donc, vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur Internet. Oui, bien, on a une magnifique page Facebook. Qu'on vous invite tous à aller voir. Puis là-dessus, il y a beaucoup d'informations. Puis à chaque jour, chaque participant, une fois qu'il va être passé, dans le fond, en entrevue, on va mettre sa photo, une description, des informations sur chaque participant à chaque jour. Donc, vous allez pouvoir les suivre et à la radio et sur Facebook en même temps. T'es en train de dire qu'on va avoir l'information en premier? Ouais. Ah oh, ouais. Primeur à la radio, ouais. J'en fais tout excité, là. Ah, j'ai des papillons dans le ventre. Vincent C va peut-être les faire sortir. Oh. Oh. Non, je pense qu'il va plus les tuer avant de les faire sortir, c'est son genre. Il est de même. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le Ben oui, moi j'aurais juste à rajouter ce qui s'en vient, parce que là, ça déboule. Le décompte est commencé, hein, c'est très bientôt. Là, ce qui s'en vient, le 19 février, on a une soirée barbecue. Ouh. Donc, ça va être un spécial burger à la Chasse-Galerie. C'est rare, d'habitude, c'est des hot dogs. Fait que ouais, là, c'est pour varier, on fait un spécial burger parce qu'on est hot. Parce que c'est de la boulette. Non? Les rappers disent ça, mais je pense que c'est négatif quand c'est de la boulette. Fait qu'on va dire autre chose. À la boulette. C'est puis, du bœuf de qualité triple A. Je sais pas. Non, ouais. Oh. Puis le lendemain, c'est une conférence de presse qui va se tenir dans le hall Albert-Tessier à 14h. Puis on va inviter les médias, etc. Ça va être, vous allez voir un beau petit setup là. Puis, c'est ça. Le 28, c'est le spectacle. Hein. Fait qu'on a comme trois choses qui s'en viennent. Trois dates à retenir. Super. Voilà. Bon, tiens ça, puis on va en reparler de toute façon à tous les jours. Pas mal de ces événements-là, vu qu'ils vont avoir lieu dans le futur. Quand ils vont être passés, on va arrêter d'en parler. Je vais vous le rappeler à tous les jours. Donc, on vous remercie toutes les trois d'être passées à l'émission. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Amélie, Lisanne et Karina du comité organisateur du QTR en spectacle édition 2013 dans le grand réseau Univers 13 Union Cité avec un accent et un C au début en spectacle. Ils sont compliqués les choses, eux autres, hein, c'est. On les remercie encore une fois et puis on retourne en musique entendre Fleur de Londres. Oui. Le nom de la pièce de Violette Pie. Yay. La voici à l'instant, Assemblage Requis, au 89 FM. Noble pistache, fleur de fruits, ton

As the Moon Sets par We Are Wolves à Assemblage Requis. Il est 8h23 minutes, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Tout le temps. Et tout le temps avec Mathieu Plante. Ok, oui. On jasait comme ça, on regardait nos Twitter, nos affaires. Il y a David Ferron qui m'a envoyé un message texte pour me dire je t'ai pas OK sur Facebook. En effet, il m'a pas OK sur Facebook, mais je trouve ça drôle d'écrire un message texte. C'est comme un double poke. C'est comme les gens qui me téléphonent pour dire hey, je t'ai envoyé un courriel. Ouais. Oui, en effet. Tu peux-tu me faxer et me dire que tu m'as bipé aussi, ça? Sur mon page. Mon petit budget. Datant de 1956. C'est ça? Motorola. Oui, et 1995, le Paget à deux voix. Oui, c'est super. Toi, t'as ouvert aussi par le fait même ton téléphone. Puis. Ben, j'ai ouvert mon Twitter, puis. tu sais, ce matin, il s'est dit, ah, je vais le faire chier. Tu sais, direct, moi, il dit qu'il n'y a pas d'amis. Ça me dit, tu sais, Twitter, c'est mieux avec des amis. Fait qu'il me dit ça, puis ben, en fait, c'est juste, il faut que j'importe mes contacts. Mais ce que je comprends pas de Twitter, c'est que tu peux pas aller te connecter, en tout cas, ce que j'ai vu sur ton Facebook pour récupérer tes amis Facebook sur ton Twitter, puis ton Twitter sur Facebook. C'est comme ça qu'on pourrait inter-plugger. Mais pourtant, tu peux toujours poster tes trucs sur Twitter et Facebook en même temps. Ça, c'est bien, sauf que ça enlève un petit peu l'utilité de Twitter si mon fil est rempli d'affaires qui sont sur Facebook. Hashtag. Exact. Hashtag salarié. Hashtag, ça m'énerve pas mal. Oui, c'est ça. C'est un peu fatigant. Oui. Mais bon, que voulez-vous? Chacun ses problèmes, c'est des problèmes du premier monde qu'on appelle. Oui. Et non pas du tiers monde. Et non. Et voilà. Dans quelques minutes, on sait qu'Alexandra Carignan s'en vient avec sa chronique « Le temps d'une culture ». J'ai toujours très, très hâte à sa chronique parce que ça m'éduque sur la culture. C'est même ça la plate. Hein? Hashtag culturé. Hashtag, j'en ai besoin des fois. Oui. Parce que sinon, j'ai l'impression de pas m'en avoir ben la culture. Tantôt, Simon a tellement de connaissances musicales qui m'impressionne et me dépasse un petit peu à chaque fois. Mais bon. Vas-y. Ouais, mais écoute, je parle encore du pape. Bon, OK, tu veux déposer ta nomination pour remplacer le pape, c'est ça que je comprends bien. Ouais, ben je voulais savoir ce que t'en pensais. Puisque ceux qui n'étaient pas là ce matin à 7h10, je pense qu'à 7h10, j'ai commencé d'entrée de jeu en disant pape ne sera plus, Benoît XVI, c'est fini, 85 ans, d'invente. Pape pire pape, ça remonte en bateau. Pape ton ballot, qui reste? Personne. Personne. Ah, c'est ça le problème. Mais oui, c'est ça, il y a 85 ans, puis selon un message qu'il a reçu de Dieu, c'est fini. Ah non, il n'est plus apte à paper. Dieu lui a dit, ça va faire bonhomme. Oui. Lâche ton chapeau. Oui. Arrête de... Ne pape pas qui veut bien. Oui, paper plus haut que le trou. Oui, comme toutes les expressions disent. Oui. Ouais. À Trois-Rivières, on n'est pas pire sur les papes et papiers. Papes et papiers, puis pas pire, il y a pas pire. Papier, oui, c'est comme, vrai. C'est comme un gag en anglais. Oui. Si on hey, on est en bilingual. Bilingual. On n'est pas pire. Pas pire partout. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, là, je pense qu'on a tué le. On tourne en rond, là. Oui, on a tué l'œuf dans le coco. On a rempli notre vide entre deux chroniques. Hein, oui, c'est ça. Donc, voici Runaway voilà. Love. Et votez pour moi sur Twitter. Oui, hashtag pour... Jean Pop. Jean Popu de ces chroniques-là qui finissent plus. C'était mauvais. Oui. Excuse Mathieu. Non, ça va. OK. Faut pas des malaises des fois. Hein? Mm-hmm. I wanna wake up and I want you with me. Au retour, on a dit qu'on s'osculturiserait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec culture dedans? Ouais, attends. Il y en a qui me viennent, mais en même temps, je veux pas les dire. C'est trop une heure de grande écoute. C'est ça, exact. Donc, on se retient un peu. L'étendue de culture. On va reculer un peu sur nos dires. Reculer. Reculture. Ça a l'air bizarre dit même. Ouais. Non. On va y penser pas d'abord. Bon, OK. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Charles-Antoine Rioux du Club plein air UQTR fera sa chronique trucs et astuces. Michel Brun cuisinera une autre chronique judiciaire panier à salade. Et Angie Durocher nous présentera son coup de cœur de la semaine dans l'index. C'est à assemblage requis demain dès 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Je t'ai dit quoi penser, moi, là? Eh oui. Oh, oui. En fait, c'est pas moi qui parlais. C'est Dieu. Assemblage requis. Non, je suis pas capable. Assemblage requis, non. Toi, les voix. De... Assemblage requis. C'est les schtroumpfs, genre. Gargamel. Est-ce qu'on est bientôt arrivé pour schtroumpf? Donc, il est 8h34 avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. C'est Assemblage requis. Maintenant, on accueille Alexandre Carignan. C'est le temps d'une culture. Bonjour! Ça va mieux, là? Ça va mieux que la semaine passée, toujours? Oui, ça c'est évident, parce que la semaine passée, j'étais vraiment une locumène, et d'ailleurs, je vous avais dit, ah, je sais pas si je joue ce soir à la 8. J'ai pas joué à la 8. Je suis restée sur mon divan, puis j'ai dormi. Ouais. Alors, ça n'allait vraiment pas la semaine passée. Là, je suis en processus de guérison. Pas que c'est ça. À soir, je vais jouer à la 8. OK, bon. Ben, prompt rétablissement, premièrement. Ben, merci. Et bon match ce soir. On va en parler à la fin de la chronique, j'imagine. Oui, c'est évident. C'est bien sûr. C'est évident. Donc, le temps d'une culture, c'est la chronique en spectacle et on a plusieurs sujets d'habitude. Eh oui, et là, on en a deux plus particulièrement. Et ça fait 2 semaines que je fais ça. Je déroge des sujets que j'écris dans un campus et je vais vers où le vent me mène. At large. Eh bien, cette semaine, je fais la même chose. Je vais parler d'un article, un article cinéma qui est dans le Zone Campus. Et deuxièmement, on va aller à un côté un peu plus télévisuel et on va faire un wrap-up des Grammys qui se sont faits hier soir. Ah, les beaux Grammys! Hein? OK, oui. Je ne les ai pas suivis jusqu'à la fin. C'est vraiment long, là. Je suis partie à 11h, là, à un moment donné, c'est ça? Alors, s'il y a eu la performance du siècle à 11h15, je ne l'ai pas vu. Pas grave, on va débuter le tout avec la chronique cinéma. Le Ciné Campus, depuis maintenant 2-3 ans, propose le Ciné 5D, qui est en fait un cinéma qui est délinquant, débridé, dérangeant, différent, difficile. Donc, c'est un Ciné 5D à peu près 2 fois par saison. Ou est-ce que c'est pas marqué c'est quoi et ils vont prendre les films qui viennent de sortir ou qui ont eu des bonnes critiques et qui n'ont pas eu le temps de mettre dans la programmation normale. Ça va sûrement attirer des gens parce que les gens ils vont penser que c'est des films avec des grosses poitrines. Là, mais non. Mais peut-être, mais... non, c'est... Non. C'est Ciné Campus, hein? Moyenne d'âge? 5 ans. Non. Rajoute un 0. 5 ans, ça? Ouais. Non? Alors... Donc, pendouillant, même, c'est 5D, là. Moi, j'ai été baisser la moyenne d'âge en allant voir L'amour dure 3 ans, qui est un film français qui est fait d'après le roman de Frédéric Becbédé. Moi, si j'ai un auteur que j'aime bien, c'est pas J.K. Rowling, c'est Frédéric Becbédé. C'est mon auteur fétiche, je l'adore. Et j'étais contente de voir qu'il y avait un film. En fait, contente, mais mitigée. Parce que Frédéric Becbédé, ce qu'il a fait avec L'amour dure 3 ans, c'est un peu une espèce d'autobiographie. Où est-ce qu'on est dans la tête de la personne et il nous raconte comment il fait son divorce et qu'il est amoureux de la femme de son cousin. Wow. C'est pas tant... Oui, c'est une histoire, mais c'est le tout à travers sa dépression. Vraiment assez comique, il faut le mentionner. Alors, c'est j'étais comme... Il y a beaucoup de chapitres que c'est pas une histoire, c'est vraiment plus de la pensée puis de l'automutilation philosophique. Alors, j'étais comme... Mais comment on va réussir à rendre ça en film? ça a tellement été bien fait. Là. D'ailleurs, Frédéric Beigbeder a été pour la première fois directeur d'un de ses films, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un autre de ses livres a été adapté au cinéma, c'était 99 francs, avec Jean Dujardin, il y a à peu près 3 ou 4 ans. Alors, L'amour dure 3 ans, il a décidé de le diriger, c'était parfait comme direction. En fait, ce qui rend la petite touche dans le livre qu'on aime, qu'on dirait qu'on est en train de lire le journal intime du gars en dépression, eh bien, il l'a rendu comme quoi l'acteur parle à la caméra. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les acteurs sont débiles. Celui qui joue Marc Maronnier, on ne le connaissait pas, mais la fille, elle, Louise Bourguignon, c'est une grande... monté en France. C'était très bien écrit. C'est un film qui a du mordant, qui est autant pour les gars que pour les filles. Oui, c'est une comédie romantique, mais c'est tellement... ça reflète vraiment la société d'aujourd'hui avec les espèces de « je suis mariée », mais qu'est-ce que ça veut dire être mariée? C'est quoi les... Aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste une bague au doigt plus que des principes. Fait que c'est vraiment l'amour au 21e siècle. C'est pas beau, c'est de même. Fait que c'est vraiment très, très bon. Ils ont présenté au cinéma, au Ciné Campus. Moi, quand je suis allée un mercredi et c'était pas mal plein. Fait que je suppose que le samedi et le dimanche, ça devait être aussi très plein. C'est un film qui en vaut la peine. Moi, je l'ai acheté en DVD finalement parce que je l'ai trop aimé. Alors, vous pouvez vous le louer. C'est L'amour dure 3 ans, une adaptation du roman de Frédéric Beigbeder. C'est une présentation du Ciné Campus. Je vous le dis, louez-le, c'est très très bon. Tu me tentes, là, j'ai envie. Sincèrement, là, je vous l'amènerai la semaine passée, vous écouterez ça. Ça vaut vraiment la peine, c'est drôle. C'est ça, c'est pas juste une comédie romantique. Il y a plein de scènes, là, vous allez aimer ça. Yes! Oh, ouais. Et voilà. Et deuxièmement, bon, ça c'était pour la chronique volet cinéma. Maintenant, je fais un recap des Grammys parce que hier soir, non, je n'écoutais pas La Voix. Non, je n'écoutais pas Tout le monde en parle, mais bien les Grammys. Et que t'es américaine, hein? Je suis tellement américaine, mais moi, j'adore tout ce qui est... Gala, remise gala, de prix. Et j'adore. À part quand c'est québécois. Les Joutras, là. Moi, hein? Félix... Mais Grammy, Golden Globes, si je suis capable de pogner les Tony, mais je les pogne jamais, fait que j'y repogne tout le temps streaming. Mais bref, j'aime ça. Alors là, j'étais une folle dans une poche, les Grammy. Et ce que j'aime aux Grammy, c'est que oui, c'est des nominations, mais c'est le trois quarts du spectacle, c'est des performances. Dans le fond, il y a une performance qui annonce 30 secondes de nomination. Ouais. Fait que c'est débile, le monde qu'il y avait là. Même mon copain qui était comme « Justin Timberlake », hey, il l'a écouté, hein, parce qu'il y avait de Black Keys, il y avait de Lumineer, il y avait Jack White. Au final, là, ça va rejoindre tout le monde. Pas du commercial, là, je veux dire, il y a de la musique quand même semi-indie là-dedans. Ce que j'ai trouvé... Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Indie, point. Ouais, indie mainstream, mais indie quand même. Hein. Ouais. Ouais, ben c'est sûr qu'il n'y avait pas Bon Hiver, là, mais non. Là, c'était l'année passée, ça. Ouais. Mais quand même, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que même les performances qui étaient dites commerciales étaient bonnes. Qu'est-ce qu'il y avait, mettons? Il y avait, premièrement, le retour de Justin Timberlake qui était tant attendu. Et moi, mon copain, il a fait « je m'haïs, mais j'aime ça ». Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas dans les pires, ça, Justin Timberlake. Parce que c'est ça, c'est bon. Surtout que son retour, là, c'est un retour au R&B soul. Oui, il faisait du R&B, Justin Timberlake, mais un peu plus pop électronique là avant. Maintenant, là, hier, il y avait son full band, puis ça ressemblait beaucoup à un chanteur blues des années 60. C'était vraiment bon. Mm-hmm. Si vous êtes capable de poigner ça bientôt, parce qu'ils vont tout l'enlever là, dû à des lois de copyright. Oh. Mais la performance de Justin Timberlake était sublime. Celle de Rihanna, même, je suis pas pantoute une grande fan de Rihanna. Mais elle a fait une tune qui était très calme. Elle a eu une très belle voix. Et elle a accompagné ça de « On sait pas qui, ça me gosse ». Il y a un gars qui était là. Un dude. Il devait être connu, mais ils l'ont jamais annoncé. Je sais pas c'est qui. Il est tellement connu. Puis si je le connais pas... Ils ont annoncé Rihanna, mais pas le gars à côté. C'est ça. C'est ça, comme Alex dit, si Alex le connaît pas, il est pas si connu que ça. Ben, tu sais, je vais vous revenir là-dessus, ça m'a titillé. Ouais. J'étais comme, mais c'est qui? Défaillance de la sécurité. C'était personne, finalement. Finalement, tu sais, c'est qui ce gars-là, c'est à la scène, là? Ils l'ont laissé passer, se disant que c'était une grande vedette. Ouais. Mais fait que ça, c'était des très belles performances. Il y a aussi un mash-up de Alicia Keys et Maroon 5. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi bon. Mon copain a fait « Oh, tabarouette! » c'est bon ça? Quand il a pilé sur ses principes. Ça l'a valu la peine. C'est sûr qu'il y a eu comme les performances qu'on savait qu'elles allaient être bonnes, puis que c'est pas, c'est comme, OK, c'est correct, ben Mumford and Sons en sort, tu sais, je veux dire. Ils sont tout le temps bons en spectacle, on va pas se cacher ça. Taylor Swift, ben, sa chanson ne demande pas des prouesses vocales, donc elle pouvait pas tant la chier. Fait que ça a bien été. Bravo! On va se le dire de même. Là. Fait que, tu sais, il y avait un beau décor. Fait que c'est ça. Elle était bien habillée. Elle était bien habillée. Il y avait une belle mise en scène de cirque. Coiffeur, vraiment. Ouais, ouais, une belle coiffeur. Sinon, il y a eu des portions décevantes des Grammys. Ça arrive pas souvent, mais fun. D'ailleurs, qui a raflé plein de prix. Des fois, j'étais comme, pour de vrai? En compétition contre Frank Ocean, Hunter Hayes, mais ça, c'est pas grave si vous connaissez pas, c'est mon petit chanteur fétiche country. Mais j'étais là, j'étais tabarouette, comment ça que ça gagne? Puis c'est pas capable de faire une performance live qu'il y a du monde. En tout cas, c'était pas bon, il y avait de la misère à aller chercher les notes aiguës. Mais ça se peut que ce soit comme un groupe, comme l'a été jadis Panic at the Disco. Un groupe qui a, oui, ils sont bons en studio, mais live, ils se sont pas pratiqués, puis ils ont comme popé de la sphère artistique. Puis là, ils font. Du jour au lendemain, c'est devenu des vedettes. On n'est pas prêts pour. Les fameux oh-oh. Le fameux oh-oh, je suis pas tant bon live. Fait que, du coup, ça a donné ça. J'étais un petit peu déçue. Sinon, Frank Ocean, je m'attendais à quelque chose de tellement bon. Puis t'as été déçue. J'ai même mon copain, lui, qui trippe sur Frank Ocean depuis une couple de semaines, là. Il a fait « Ah! » Ça a eu lieu. Puis en plus, parce que on l'a attendu, parce qu'il est arrivé à 11h10. T'sais. Puis on se dit « On va pas aller se coucher, il faut attendre Frank Ocean. » On a été déçus. Donc, les grandes déceptions, c'était fun. Et c'est ça, Frank Ocean, qui malheureusement a pas été bon. Miguel a été bon. Je le connaissais pas, mais je vous le dis, là, il a été bon à tabarouette. Et c'était pas mal mon recap des Grammys. Ça a été un spectacle très, très bon. Un bel hommage à Carole King et Patti Smith. Ça, j'ai trouvé ça très bon, fait par Kelly Clarkson. C'est ça. C'est pas pareil, hein, mais un bel hommage. Tu sais, Carole King, qui est une chanteuse, une songwriter, qui, dans le fond, transmet l'émotion par sa voix. Puis Kelly Clarkson, qui... fait des vocalises. Ouais. C'est ça. C'était un autre côté. C'était pas mauvais, mais c'était pas... l'essence même de l'intention est bonne. Bon. Et voilà. Mais une performance que j'ai particulièrement aimée, que j'étais fière qu'ils étaient au Grammy, c'était The Lumineers. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va aller écouter à ma chronique. Ils ont performé Hey Ho. Et ça a été sublime. C'était un beau moment des Grammy. Et maintenant, on va aller l'entendre. À Assemblage Rocky. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Ha! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my Et c'était The Lumineers avec Ho Hey, qui a d'ailleurs en fait une performance qui était sublime au Grammy. Grammy, en fait, là, j'ai repensé en écoutant la chanson et j'ai oublié des moments. J'ai oublié des moments. En recap, là, vite. Là. Écoutez, il y a eu un hommage à Bob Dylan qui était sublime. À Bob Marley ou à Bob Marley? Bob Marley. Je me suis mélangée. J'ai juste marqué Bob dans mon cahier. À Bobby. À Bobby de King of the Hill. Eh oui, c'est ça. Henri Pissagin. Bob Marley, pardon. C'était vraiment bon. Mais premièrement, les héritiers de Bob Marley, c'est un peu The Police qui ont amené ça dans la musique américaine. Ben, pas américaine parce qu'ils sont pas américains. Là. Je veux dire, ils sont britanniques. Ouais. Mais dans la musique un peu plus rock. Donc, Sting était là. Oh mon Dieu! Et aussi, il y avait Bruno Mars, qui est aussi une espèce d'instigateur de la musique un petit peu plus reggae. Et bien évidemment, il y avait les deux fils de Bob Marley. Et là, je parle de Damien Marley et de Marley. L'autre, je là. L'autre. Je me rappelle de Damien parce qu'il a fait un featuring sur l'album. Non, c'est Marley et moi, je pense. Marley et moi. C'est un film, je pense. C'est un chien. Alors, c'était vraiment bon. Bruno Mars, live, qui est sublime, on va se dire de même. Il est dans ma équipe, ce petit garçon-là. Et il y a aussi une performance de Carrie Underwood, une chanteuse du country, qui a été d'ailleurs une gagnante d'American Idol. Mais si on oublie ça, là, c'est vraiment une bonne performeuse. Elle a une voix qui est, selon moi, là, je veux dire, Mariah Carey a appelé se recoucher. Carrie Underwood, elle a la voix. Puis ce qui est intéressant avec Carrie Underwood, c'est que oui, elle a la voix, mais elle ne va pas tout le temps la pousser comme Mariah Carey va le faire ou Kelly Clarkson. Ouais. Elle a une belle voix, capable de la soutenir puis de faire une bonne tune. Alors, elle a fait ça. Sa chanson Blown Away, qui a gagné non seulement un Grammy pour l'écriture, là, donc le texte, mais aussi pour la performance. La chanson a gagné dans les deux catégories. Eh bien, elle a fait comme acoustique piano. Là. C'était beau en tabarouette. Et un petit moment surette, c'était la présence de Prince. Ah, OK. Il est venu présenter un Grammy. C'est tout ce qu'il a fait. Tu sais, le Prince, là, avec sa moue de je m'en calisse, il est arrivé plate, là. Puis, tu sais, d'habitude, il y a un petit texte de la, petite blague, voici le nom. Non, lui, il est arrivé au micro, il a fait Here's all the nominees. Ah, c'est plate. Et ça, c'est qui a gagné? Ah, ben oui, c'est Gauthier et Kimbra qui ont gagné la chanson de l'année. Somebody that I used to know. Oui, ça, j'étais contente à ta barouette. Et là, lui, ben, quand ils sont arrivés sur scène, il est parti. Bon. Mais c'est tout, il est dans la royauté, là, tu sais, faut pas s'attendre. Là, comme le fait, pape, là. T'sais. Il était payé pour être là, puis il l'a pris au mot. Ah. En fait, comme j'étais là. Puis t'avais Gauthier et Kimbra qui étaient là, je fais écoute, évidemment, il a fallu qu'il reste sur scène parce qu'il arrêtait pas de le remercier, tu sais. Comme on a gagné un Grammy fait par vous, puis vous avez été une de nos inspirations, tu sais. Bon. Mais ça a été vraiment un petit moment awkward. C'était pas tant... c'était ça. Il y avait peut-être un poulet au four. On sait pas. On sait pas. Et en fait, un moment drôle, c'était Ellen DeGeneres avec Beyoncé qui ont annoncé un Grammy. Mais Ellen qui... Est drôle. Tellement drôle. Pendant que Beyoncé parlait, il y avait une portion de texte. Et à chaque fois que Beyoncé parlait, elle la regardait super intensément dans les yeux pour que finalement, Beyoncé soit jamais capable de dire son texte parce qu'elle riait. C'était sublime. Moi, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ellen, je t'aime. Veux-tu me marier? Alors, c'était un de mes moments fétiches. Ouais. Alors, c'est ce qui termine ma chronique sur les Grammys. Si vous voulez, courez sur YouTube, allez taper les principales performances. Ça vaut la peine. On a eu vraiment droit à un show débile. Dépêchez-vous. C'est Torrent aussi, la cérémonie. Oui, c'est Torrent. Sur YouTube, déjà le matin, moi, j'avais manqué la performance de Taylor Swift hier parce que je travaillais. J'ai réussi à la trouver en très mauvaise qualité parce que toutes les bonnes qualités sont déjà enlevées. On a un match de la Luitre ce soir, Ligue d'impro, oui, Alexandra. On a un match de la Luitre. On fait un retour à la normale. Ça fait deux semaines qu'on est soit au carnaval, soit à la Coupe Trois-Rivières, d'ailleurs, qu'on a perdu, maudite affaire. Ah, contre la Lim. Contre la Lim. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je joue dans la Lim. Je suis censée être contente pareil. Oui. Alors, ce soir, c'est un retour à la normale. C'est les Rouges contre les Bleus. Deux équipes qui s'aiment beaucoup. Donc, en fait, il y a comme deux coupes. Moi, je suis dans les rouges. Ouais. Maxime est dans les bleus. Jean-René est dans les rouges. Camille est dans les bleus. Ça fait tout le temps des matchs qui sont très drôles. On a une bonne chimie ensemble. Fait que ça devrait être un maudit bon match ce soir. 20h, Chasse-Galerie. C'est gratuit, je vous le rappelle. Ça vaut la peine. Arrivez quand même tôt. On a un taux d'achalandage qui monte de plus en plus. Ça vaut la peine, la bière est pas chère, un bon spectacle. Et demain, c'est la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. C'est les Bourgognes, ça c'est moi, contre, je me rappelle plus trop quelle équipe. Ça va être c'est pas bon. Important. je pense que c'est les jaunes. Non, ah. C'est les oranges. Je viens de... Les vents d'orange. C'est les oranges. Okay. Donc, les Bourgognes contre les oranges. 20h, salle Louis-Philippe Poisson. Ça coûte 5$, mais vous avez droit à tout un show. Merveilleux, ça, la lutte, la lime. Battez-vous pas, allez aux deux. Bon, hein? Et voilà. C'est ça, exactement. C'est dit. Merci, Alexandra Carignan. Ben, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h30. Mm-hmm. On écoute Gros Méné. On en parlait plutôt avec Simon Fitzbé, plutôt à l'émission. Il nous mentionnait le fait que son vinyle ne marchait pas. Fait que juste pour compenser, nous, il marche notre CD. Mais... Dans ta face, vinyle! Puis on vient pour se dire bye. Ben oui, et puis en plus, on dirait que c'est lui qui se lamente. C'est Smoke Shot! Oh, t'es ben trop magané! Oh, allez, ce que je suis dessus! Ma tête m'aurait trop tourné, je commence à avoir de la bête. Ouais, t'as les dents, mon curé. On a des kills à veiller. On a vu l'homme, on a vu lourd. On est rappé, on verrait de ça haut. On est rappé, on verrait de ça haut. La clôture qui s'envole, le gazon qui s'arrache, et qui gros se vache. On est rappé, on verra tout. On est rappé, on verra tout. On est rappé, on verra tout. On est rappé, on verra tout. Saint-Prime de Gros Méné, assemblage requis. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Saint-Prime. Saint-Pape. Ah! Saint-Pape, oui, oui, oui. Bon. Hey, toute ta papauté, hein. Ben, écoute... T'es papillote. On en a parlé lundi, on n'en parlera pas demain. Non. C'est fini, moi, le pape, je bannis ça de ma vie. On va remercier les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Simon Fitzbé, merci beaucoup. Merci. Carina Tardy. Merci. Oui, Alexandra Carignan. Merci. Les deux autres filles, c'était Amélie Brun et Lisanne. Exactement, je te fais ta mémoire. J'aurais juste dit les prénoms, ça aurait été bien mieux. Demain à l'émission, on se retrouve avec plein de bonnes choses. On aura à 7h30 Charles-Antoine Rioux du Club Plénaire UQTR avec sa collègue Truc et Astuce. À 8h, Michel Lebrun et Pania Salade, sa collègue judiciaire. Et on va terminer à 8h30 avec Angélie Durocher, sa collègue coup de cœur. L'Index, c'est demain à Assemblage Requis. Merci à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Merci encore à toi, Mathieu Plante. Ça me fait un plaisir. Bien sûr. À 11h, Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est Connaître ensemble. Et à 14h, ben c'est moi, encore une fois, avec Stéphanie Barazzi et Maxime Tanguay pour les palmarès, c'est fou. On se quitte avec Bad Mood de The Vaccines. Puis, passe une belle journée. Ben, toi aussi. À demain. Que dire de plus? On pourrait passer, tu sais, encore du temps ensemble. Ben oui. Ben, on peut rester, hein. C'est juste à 11h le prochain show. Et... Benoît XVI serait pas content. Benoît, Benny Boy! Hey, on va être obligé de changer notre chanson thème. Ben, Benoît Mien, je suis tout seul. Pourquoi que ça dit dedans? Ben, c'est la version un peu améliorée. OK. Ben, écoute, je peux t'en parler, là? Ouais, vas-y. Ben, c'est ça, c'est une chanson en constante évolution. Et puis, ça finit en disant que Benoît XVI nous écoute tout le temps. OK. Mais là, ça va être encore plus vrai, il va avoir du temps libre. Ou. En tout cas, si la tendance se maintient, si. Ça là, va... quand est-ce que vous allez changer votre chanson thème pour enlever Bon Matin les petits poussins, là? Ben, ça dépend. Il y a des gens qui se lèvent à cette heure-là. Ouais. Peut-être. J'imagine. Ben oui. Les travailleurs de nuit. La version longue, si vous l'enregistrez, est-ce que vous allez faire un vrai disque, une vraie pièce avec ça? On cherche un antiqueur. Un antiqueur. Ben, votre ordinateur peut graver ça n'importe quand, tu sais. Oh, t'as raison. C'est ça, c'est pas dur, là. En tout cas, moi, j'attends après ça, là, pour la faire jouer partout. En plus, je connais un infographiste. On s'en reparle! OK, on s'en parle demain. Oui, à 7h. Ouais, puis peut-être qu'on en parlera à l'émission. On pourrait t'inviter, puis faire des trucs. Merveilleux, collaboration. On pourrait continuer notre belle équipe, même au retour de Chose quand il reviendra. Là, on n'en parle pas demain, mais... Voilà. Et ils vont revenir, t'sais. Un jour, j'imagine. On sait pas. Et voilà! Je disais qu'on se quittait avec Bad Moon. Oui. The Vaccines. C'est fou, hein, comment on a dérogé. On aime ça, on aime ça. Bye!